C'est comme pour le cela qui fait le zina, mais il est toujours musulman. Alors sur quoi il se base? Eh ben, il se base sur, tout simplement sur notamment le même hadith que disait le Madhab al-Hanafi, le deuxième hadith que j'ai cité, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la shahada, le témoignage donc, de musulmans par rapport au témoignage, et qu'ils accomplissent la prière. Or, le mot, comme on a vu le verbe qatala, qui est, veut dire combattre par les âmes, eh bien, ça implique la mort, parce que quand on fait un qital, c'est soit la mort, soit la personne, il fait quoi? Eh bien, il se rend. Et donc, contrairement au Madhab al-Hanafi, qui lui dit non, on va les combattre, mais violemment, sans les tuer, les autres ils disent non, la peine de mort est inclue dans ce hadith-là. Donc, il le tue, tout en étant musulman. Alors, maintenant, on va passer au quatrième madame Mahamali. Bah, comme je vous le dis, pour eux, il n'y a pas de problème, dans le sens que celui qui décide la prière, c'est un kafir, murtad, apostat. Et donc, l'apostat, bah, comme il fait partie des trois catégories où lequel le professeur Sam a cité spécifiquement comme quoi il faut les tuer, qui est celui qui fait zina, ou celui qui tue une personne, un musulman sans droit, et celui qui est sorti de l'islam. Donc, pour eux, il n'y a pas de problème pour ceci. Voilà, c'est cette introduction que je voulais faire par rapport aux quatre écoles. D'accord ? Parce qu'il y a souvent beaucoup de questions sur ça, et certaines personnes ne comprennent pas trop. Là, je l'ai fait en environ une demi-heure, j'essaie de faire vite. J'espère que je n'ai pas été trop vite, que j'étais bien explicite. Pour ceux qui ne savaient pas exactement par rapport aux écoles ce qui est dit, sachez par exemple que l'imam Ibn Qudama, rahimahullah, qui est un des plus grands savants dans le Madhab al-Hanbali, qui a écrit ce qu'on appelle al-Mourni, qui est une référence dans le Madhab al-Hanbali, et même dans parmi les autres Madhab, bah lui disait que celui qui ne fait pas la prière, ce n'était pas un mécréant. D'accord ? Mais comme je l'ai dit, dans les autres Madhab, comme surtout dans le Madhab al-Shafiri, aussi dans le Madhab al-Maliki, il y a certains savants qui disent qu'il est mécréant, donc qui contredisent la majorité de leur madhab. Mais nous, bien sûr, nous, en tant que tout musulman, nous suivons ce que nous pensons juste par rapport au Coran et à la Sunna, et c'est ce que font tous les savants, bi'idhnillah, s'ils sont sincères, dans tous les madhab. Voilà, maintenant j'ai fini l'introduction, on va commencer, inshallah, ce qu'a écrit le cheikh Al-Ruthaymin, rahimallah. Donc je vous le dis, comme je l'ai dit, hein, lui, déjà d'une, il a appris, il est sur le Madhab al-Hanbali, hein, comme la majorité des savants qui sont en Arabie Saoudite, et ils le disent clairement. D'ailleurs, les cours qu'il donnait, c'était sur des cours de livres du Madhab al-Hanbali, mais ce ne sont pas des Mukallidoun, comme on dit, ce ne sont pas des personnes acharnées sur le Madhab et qui n'en démordent pas. C'est-à-dire que s'ils voient que sur un sujet, dans le Madhab al-Hanbali, il se base sur un hadith qui est faible, et puis qu'en fin de compte, dans l'autre Madhab, par Malikite, sur ce même sujet-là, il diverge dans le Madhab Malikite et Sahih, et ben que ce soit le Rafaïmin ou un autre, hein, il ne va pas s'acharner sur son Madhab, mais il va reconnaître fin, que sur ce point-là, ah, c'est l'autre Madhab qui est bon, donc il va prendre sur ce point-là, il va prendre dans l'autre Madhab, et c'est cette voie-là qu'il faut suivre. Et j'en profite aussi pour dire ceci, parce que beaucoup de personnes demandent ça. Comment on fait quand il y a plusieurs avis? Je sais pas, je suis perdu. Il y en a qui disent que ça c'est halal, c'est haram, ou que ça c'est wajib, etc. Comment je fais? Qu'est-ce que je dois suivre? Je sais pas. Est-ce que je suis ce que je veux, ce qui plaît à mon nefs? Non, je ne suis pas ce qui plaît à ton nefs. Soit tu te bases sur une école de base, par exemple le Madhab al-Hanbali ou autre, et quand tu as un problème, eh ben, tu te bases sur ceci. Mais attention, comme je l'ai dit juste avant, quand tu vois que sur un point précis de ton école, c'est l'autre école qui a raison, tu n'as pas le droit de suivre à ce moment-là, sur ce point-là, ton école, parce que tu reconnais, en fin de compte, que dans l'autre école, sur ce point précis, c'est lui qui a raison, c'est lui qui a raison par rapport à la compréhension du Coran et de la Sunna. Donc c'est lui que tu dois suivre sur ce point-là, etc. Voilà. Sinon, la personne suit un prof, c'est-à-dire s'il a un prof de fiqh, eh ben, il va suivre l'avis de son prof de fiqh, mais c'est pareil. Si par exemple il va suivre un autre cours, il va lire un livre ou quoi, et puis il voit que son prof, il estime que lui, que son prof, sur ce point-là, il s'est trompé, mais il voit qu'en fin de compte, un savant a bien expliqué comme quoi, en fin de compte, il a vu le plus juste, c'est ça, et puis qu'il est persuadé qu'il le voit, en fin de compte, que son prof s'est trompé par rapport à ce que lui, il voit, hein, eh bien, il doit, sur ce point-là, il ne va pas prendre l'avis de son prof, mais il va prendre l'avis que lui, il voit être le plus proche du Coran et de la Sunna. Voilà. Maintenant, je commence, Inch'Allah, ce qu'a dit le cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, qui est mort avant le 11 septembre, alhamdulillah, donc il n'a pas connu toutes les fitnas qu'il y a eu sur le 11 septembre, c'est un bienfait pour lui, mashallah. Donc, voilà ce qu'il a écrit. Kitab ou Hukm Tariq Sala, livre donc du jugement de celui qui abandonne la prière. Al-Fasl Awal, le premier chapitre, Hukm Tariq Sala, le jugement de celui qui délaisse la prière. إن هذه المسألة من مسائل العلم الكبرى. Certes, ce problème, donc là, c'est-à-dire ce problème de fiqh, comme on dit, il y a un problème de maths, d'accord. Ce problème, donc ce problème de fiqh, qui touche aussi la aqida, bien sûr, من مسائل العلم الكبرى, font partie des problèmes de la science les plus grands, les plus grands problèmes de la science. C'est-à-dire celui qui délaisse la prière. Parce que comme je l'ai dit juste avant, on comprend pourquoi. Parce que pour certains, celui qui dit sa prière, c'est un kafir, donc c'est très grave. C'est un problème qui est très important. Ensuite, Al-Uthaymin dit ceci. Et certes, on divergeait dedans, dans ce problème-là, les gens de la science, que ce soit parmi les salafs ou les khalafs. Alors les salafs, ce sont les trois premières générations de savants, d'accord. Et les khalas, c'est ceux qui sont venus après. Ça veut dire que chez les salafs, il y a eu divergence sur ceux qui délaissent la prière. Est-ce que c'est un mécréant ou pas? Et bien sûr, chez les khalafs, ceux qui sont venus après aussi, même encore plus. Et on va en détailler, donc, d'accord, ce qui est sûr, déjà, c'est que la divergence a commencé chez les tabirines au minimum. Certains pourront déjà dire chez les Sahaba, mais là on va voir que certains disent, et c'est l'avis le plus juste, Inch'Allah, qu'il y a eu Ijmar chez les Sahaba, comme quoi c'est un kafir. Mais on va voir ça. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que chez les Tabirines, parce que Abu Hanifa, il faisait partie à la fin des Tabirines. Donc déjà, chez les Tabirines, il y a eu divergence. Et plus on avance dans le temps, donc ceux qui sont venus après, il y a eu de plus en plus de monde qui a commencé à dire, comme quoi le seul qui délaisse sa prière, ce n'est pas un mécréant. Mais plus on revient aux premières époques, moins il y a cet avis, comme on va le voir, Inch'Allah. Donc je continue ce qu'a dit Al-Uthaymin. Faqala l'imam Ahmad ibn Hanbal. Donc l'imam Ahmad ibn Hanbal a dit Tariq al-Salah kafirun kufran mukhrijan min al-Millah. Yuqtalu idha lam yatub wa yusalli. Donc je vous traduis ce que l'imam Ahmad rahimahullah a dit. Donc l'imam Ahmad ibn Hanbal, d'où le madhab al-Hanbali, d'accord. Il a dit ceci, Tariq al-Salah, celui qui délaisse la prière, kafirun, est un mécréant, kufran mukhrijan min al-Millah, d'une mécréance qui fait sortir de la religion. Donc il a bien dit clairement que c'est un kafir et pas du petit kufr, comme vous savez, il y a le grand et le petit kufr. Le petit kufr ne fait pas sortir l'islam. Il a bien dit ça. Kufran mukhrijan min al-Millah, un kufr qui fait sortir de la religion. Yuqtalu, on le tue, il va lam yatoub, s'il ne se repent pas, et qu'il prie, d'accord. Comme je l'ai dit dans le madhab, ça c'est l'avis de base dans le madhab Hanbali. Celui qui a délaissé la prière, c'est un kafir, d'une, murtad. De deux, s'il ne se repent pas, eh ben, il se fait tuer, d'accord. Il faut qu'il se repente, et bien sûr son repentir se fera par l'acte de prier, d'accord, parce qu'il n'a pour l'instant rien renié. Ensuite, alors Samin, il dit, وَقَلَ أَبُو حَنِفَا وَمَلِكَ الشَّافِرِي. Donc, Abu Hanifa et Malik et Shafiri ont dit, فَاسِكُنْ لَا يَكْفُرْ. C'est un fasiq, comme j'ai expliqué ce que ça veut dire le mot fasiq, c'est-à-dire qu'un transgresseur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait un grand péché, وَلَا يَكْفُرْ, et il n'est pas mécréant, d'accord. Et là, alors Samin l'a dit, الشَّافِرِي, donc l'imam الشَّافِرِي. Or, comme je l'ai dit, ce qui est rapporté à nous par l'imam al-Tahawi qui est dans le mazhab al-Hanafi, l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, lui-même disait que c'était un kafir, comme je l'ai dit au début du cours. Hein. Mais la majorité des savants de son mazhab qui l'ont suivi ont pris l'avis comme quoi ce n'était pas un mécréant. Ensuite, je vous lis ce qu'a écrit Al-Uthaymin, qui est un résumé de l'introduction que je vous ai faite. Ensuite, ils ont divergé. Qui ont divergé? Ben, les trois madhabs qui sont le madhab Hanafi, le Maliki ou le Shafiri, qui ont dit que celui qui fait sa prière, c'est un fasiq, mais il est toujours musulman. Donc, ils sont divergés. Ensuite, ces trois-là, et dans le madhab Maliki, le madhab Shafiri, ils disent quoi? Yuqtal hadda. On le tue par peine légale. Hadda, c'est-à-dire peine légale. On le tue. وقال أبو حنيفة يعزر ولا يقتل. يعزر, c'est-à-dire qu'on le frappe, d'accord, et on ne le tue pas. Et comme vous voyez dans les livres de fiqh dans le mazhab al-Hanafi, on l'emprisonne parce qu'on ne laisse pas le libre. C'est qu'on le frappe, jusqu'à ce qu'un peu de sang coule, comme si, comme eux-mêmes les savants du madhhab Hanafi le décrivent, jusqu'à ce qu'un peu de sang coule, et on l'enferme, jusqu'à ce qu'il se repente, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il prie. Mais il ne le tue pas. Ensuite, Al-Uthaymin a dit « وَإِذَا كَانَتْ هَذِي الْمَسَأَلَةُ مِنْ مَسَأَلِ النِّزَارِ » Et si ce problème fait parmi des problèmes de divergence, « فَالْوَاجِبُ رَدُّهَا إِلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَلَى وَسُنَّةِ رَسُولِهِ sallallahu alayhi wa sallam. » Alors l'obligatoire, ce qui est obligatoire, c'est quoi? C'est de le renvoyer, donc renvoyer ce problème au livre d'Allah ta'ala et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Les qawlihi ta'ala par rapport à la azza wa jal qui est celle-ci. Wa ma'akhtalaftum fihi min shay fa hukmuhu ila Allah. Il n'y a pas une chose en laquelle vous divergez sans que son jugement retourne à Allah, revient à Allah. وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. Et c'est dans la sourate Shura, et c'est le verset numéro 10. وَقَوْلِهِ, et donc sa parole, donc une autre parole d'Allah Azza wa Jal qui est dans le Coran, qui est là dans la sourate An-Nisa, le verset 59. Où Allah Azza wa Jalla a dit fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Je vous traduis fa in tanaza'tum fi shay', et si vous divergez dans une chose, et ça c'est nakira, donc ça englobe toute chose, dans toute chose qu'on diverge, qu'est-ce que donc les musulmans ils font quoi? فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Alors, renvoyez-le, cette chose-là, à qui? إِلَى اللَّهِ, à Allah, وَالرَّسُولِ, et au messager. إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Si vous croyez en Allah et au jour dernier. C'est-à-dire que ceux qui ne font pas ça, ils ne croient pas en Allah, ils ne croient pas au jour dernier, au rayad billah. Quand des musulmans ont un problème, ils le ramènent toujours sur au livre d'Allah et à son messager, pas à une loi qui est autre que la charia, à un tarot autre que la charia. Sinon, ça voudrait dire qu'ils ne croient pas en Allah ni au messager. Et ça, Inch'Allah, on en parlera dans le fait de le hukm bi ghayri ma'a Allah, le fait de juger autre par autre que par la loi d'Allah. On n'en parlera pas maintenant, ça va prendre un peu de temps. C'est pas ici, c'est pas le but ici. On va faire un cours sur ça, Inch'Allah, plus tard. Donc ça touchera la croyance. Donc je vais pas développer ici. Et ceci est meilleur et de meilleures conséquences. Ensuite, Al-Uthaymin dit cela. Donc il dit que certes, parce que chacun de ceux qui divergent, sa parole n'est pas un argument sur l'autre, n'est pas une preuve, hujja. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a un savant qui a dit ça que cette parole de ce savant est un dalil, un hujja, un argument. Non, c'est la parole d'un savant. D'accord? L'argument, la hujja, c'est quoi? C'est le kitab Allah, c'est la sunna. D'accord? C'est le livre d'Allah et c'est la sunna. لِيَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَرَى أَنَّ الصَّوَابَ مَعَهُ. Parce que chacun voit que la vérité est avec lui. Chaque savant qui a fait un ijtihad, d'accord, comme on a vu, que ce soit même Abu Hanifa ou dans les savants, dans le mazhab Shafi'i ou Maliki ou Hanbali, chacun est persuadé qu'il a raison par rapport à ses, comment dirais-je, à sa manière d'interpréter les hadiths ou les versets, comme je vous ai dit, par rapport notamment aux deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment ils ont été interprétés. Ensuite, Al-Uthaymin dit وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى بِالْقَبُولِ مِنَ الْأَخَرِ. Il n'y a pas un des deux, donc quand il y a deux savants par exemple qui divergent, il n'y a pas un des deux qui a plus de droits. Là, ceux qui suivent en arabe, c'est marqué Aoula, il n'y a pas marqué Oula. Ça, je dis juste une petite, parce que certains au début se confondent entre.